Et voici maintenant une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou. Attention, traversée d'hélicoptère le long de Twilight Zone. Boris Sagal est un réalisateur et producteur américain d'origine russe, né le 18 octobre 1923 à Dnepropetrovsk. De 1953 à 1981, il réalise de très nombreuses séries télévisées, dont en 1973 le 20e épisode de la célébrissime saga policière Columbo, intitulé « Candidat au crime » et dans lequel joue d'ailleurs sa propre fille, Kate Sagal. En 1961, il avait dirigé le 67e épisode de Twilight Zone, intitulé « The Arrival ». En 1981, il accompagne l'équipe du film « La Troisième Guerre mondiale » qui se transporte en Oregon pour le tournage de quelques scènes. Le 22 mai, alors qu'il marche dans l'aire de stationnement d'un grand hôtel, Boris Sagal est décapité par l'hélice arrière d'un hélicoptère. Cet hôtel, le Timberline Lodge, est d'ailleurs celui qui avait servi de décor sous le nom d'hôtel Overlook pour le film The Shining avec l'irremplaçable Jack Nicholson. Victor Morrow est un acteur américain né à New York le 14 février 1929. Bien qu'ayant tourné sur de nombreux plateaux, on le reconnaît principalement sous les traits du sergent Chip Saunders dans les 152 épisodes de la télésérie Combat. Premières heures du matin, 23 juillet 1982. Une scène du film Twilight Zone The Movie va être tournée sous la direction de John Landis dans le Indian Dunes Park en Californie. Victor Morrow joue le rôle d'un certain Bill Connor qui tente, en les transportant dans ses bras, de faire traverser un cours d'eau à deux jeunes enfants vietnamiens poursuivis par un hélicoptère de l'armée des États-Unis. Mika Din, 7 ans, d'un côté, René Xin Yi Chen, 6 ans, de l'autre. La scène est violente, des explosions sont savamment provoquées ça et là dans le décor pour reconstituer une atmosphère de guerre aussi vraie que possible. L'hélicoptère descend 25 pieds au-dessus du niveau des acteurs, puis se prépare à quitter les lieux lorsque deux explosions, sans doute mal planifiées, le déséquilibrent. L'hélicoptère virevolte et tombe brutalement. René est écrasé par l'engin, alors que Victor Morrow et Mika sont décapités par les pales de l'hélice. Boris Sagal avait dirigé un épisode de Twilight Zone en 1961. Il est mort décapité par l'hélice arrière d'un hélicoptère en 1981. Victor Morrow, pendant le tournage du film Twilight Zone, est mort décapité dans les mêmes circonstances en 1982. Attention, traversée d'hélicoptères le long de Twilight Zone. Vous venez d'entendre une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou.